douceur qu'on enterre et qu'on défile, que l'on blesse, puisque nos ombres ne s'oublient pas. C'est comme une lumière éphémère dans nos racines, tout se bouleverse et les orages meurent de froid. Je ne vois que toi. See.